Les notaires sont de plus en plus pessimistes sur l'immobilier. La majorité d'entre eux pensent maintenant que les prix vont baisser dans les deux prochains mois. Plus exactement, 54% d'entre eux le pensent. Et ils sont une écrasante majorité, 71%, à penser que le nombre de transactions va baisser. Je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne. Au début, les prix montent parce qu'on trouve encore des acheteurs. Et puis, tout d'un coup, il y a de moins en moins d'acheteurs. Les prix se mettent alors à plafonner et les vendeurs qui doivent absolument vendre commencent à faire baisser les prix. Et cette baisse des prix, on n'en est qu'au début. Mais pour vous parler de ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Il faut donc que je vous parle d'une de mes voisines, Candice. Candice paraît le pognon, elle habite au 7e étage dans un immeuble sans ascenseur. À chaque fois qu'elle doit monter chez elle, elle le fait par l'escalier. Ce qui prouve bien que l'inventeur de l'escalier habitait au premier étage. Candice va être mutée. Elle doit donc déménager à l'autre bout de la France. Et elle n'a pas d'autre choix que de vendre son appartement. Elle va donc chez son notaire Bonaparte. Bonappartement frais, je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, c'est le notaire que tout le monde connaît. Et donc Candice va chez lui et lui demande si on est bien dans une période où il faut vendre son appartement. Bonaparte lui dit que oui, que c'est le moment ou jamais de vendre. Et 81% des notaires sont d'accord sur le fait qu'il faut vendre maintenant. 17% préconisent le contraire et il n'y a que 2% qui disent qu'il vaut mieux attendre. Bref, Bonaparte conseille à Candice de vendre. En fait, sa grande crainte, c'est que les prix dans les mois qui viennent se mettent à baisser. Comme je vous le disais en introduction de la vidéo, 54% des notaires pensent que les prix vont baisser dans les deux prochains mois. 44% d'entre eux pensent que les prix vont se stabiliser et il n'y en a que 2% qui pensent que les prix vont continuer à monter. Bref, les notaires comme Bonaparte sont de plus en plus pessimistes sur les années qui viennent dans l'immobilier. Candice lui demande alors ce qui se passe. Jusqu'ici, c'était plutôt les vendeurs qui étaient en position de force. En tout cas, c'est l'impression qu'elle avait eue. Bonaparte lui dit que oui, jusqu'ici, les vendeurs étaient en position de force. Mais maintenant, de plus en plus, ce sont les acheteurs. Et ils ont de bonnes raisons pour ça. D'abord, il y a de moins en moins d'acheteurs à cause de la hausse des taux. La hausse des taux pour un acheteur qui gagne 4000 euros par mois, eh bien, elle est passée de 1% à 2,5% en un an. Et ça veut dire que pour cet acheteur qui a 4000 euros par mois de revenus, eh bien, son pouvoir d'achat immobilier a baissé de 30 000 euros. En plus, Bonaparte explique à Candice que les conditions des banques sont devenues de plus en plus dures. Il faut un apport personnel de plus en plus conséquent pour pouvoir emprunter. Du coup, il n'y reste presque plus que les gens qui peuvent acheter cash, qui peuvent emprunter et acheter un bien immobilier. Ça réduit énormément le nombre d'acheteurs. Et ça ne devrait pas s'arranger selon Bonaparte parce que, d'après lui, les taux vont continuer à augmenter. On devrait arriver en 2023 vers des taux à 2,8% pour un achat sur 20 ans. Bref, Bonaparte conseille vraiment à Candice de vendre maintenant. Et quand Candice dit à Bonaparte les conditions de son logement et à quel prix elle veut vendre, eh bien Bonaparte lui conseille de baisser légèrement le prix pour être sûr de trouver un acheteur. Candice, dans un premier temps, refuse. Mais ça, Bonaparte est plutôt habitué. En fait, actuellement, ce sont plutôt les acheteurs qui ont le pouvoir. Et ils commencent à négocier les prix et eux ont le temps d'attendre. Les vendeurs, eux, de leur côté, comme Candice, ne sont pas prêts encore à baisser leur prix. Il faut le temps qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas avant. Et ça, Bonaparte est vraiment habitué. Mais lui, ça l'inquiète un petit peu, parce que ça va entraîner le fait que certains vendeurs vont commencer à être obligés de vendre rapidement. Et progressivement, on va avoir une boule de neige. Bref, Bonaparte pense que la baisse, elle pourrait bien être de 10 à 20% sur 2023. Et il est très inquiet. Il le dit d'ailleurs à Candice, qui se met à réfléchir et qui a l'air un peu triste. Alors, Bonaparte la rassure. Elle lui dit que, malgré tout, les acheteurs n'ont pas tous déserté. Elle va réussir à vendre son appartement si elle accepte une petite baisse de prix. Il y a des acheteurs qui sont toujours là et le nombre de prêts immobiliers qui ont été accordés en octobre 2022 sont encore en hausse d'un peu plus de 5% par rapport à octobre 2021. Seulement, la baisse, on commence à la sentir très fortement, même s'il y a des acheteurs qui sont obligés d'acheter. Par exemple, Alain. À l'intérieur, il a fait le choix d'habiter assez loin de son lieu de travail pour pouvoir tranquillement habiter à la campagne. Il a une maison pour lui, son épouse et son fils. Seulement voilà, il travaille à Paris. Alors, jusqu'ici, il faisait 3 jours en télétravail et 2 jours à Paris. Pour aller à Paris, c'était relativement simple. Il prenait l'avion. Ça lui permettait de faire le trajet en un rien de temps. Seulement voilà, avec l'État, il a bien compris que les courts trajets en avion allaient être remplacés par des trains en grève. Donc, fini cette possibilité pour lui. Il est obligé de déménager sur Paris, là où Candice a son appartement. Et comme il est obligé de le faire, eh bien, il est assez pressé de pouvoir acheter. Bref, le besoin d'Alain va rejoindre le besoin de Candice. Et ce genre de vente où l'acheteur et le vendeur sont obligés de vendre ou d'acheter, que ce soit pour un décès, pour un mariage, pour un nouvel enfant qui arrive dans la famille, ce genre de vente, il va devenir peut-être majoritaire. Ce sont les ventes de confort, ceux où on n'est pas du tout obligé de vendre ou où on n'est pas du tout obligé d'acheter, qui vont se voir diminuer fortement. Bref, les vendeurs vont avoir du mal à trouver des acheteurs qui veulent juste déménager pour avoir un balcon ou quelques mètres carrés supplémentaires. Et cette baisse de prix qui est maintenant générale, on la retrouve dans les 10 plus grandes villes de France, j'en ai parlé dans une autre vidéo, eh bien elle n'est pas cantonnée qu'à la France. On la retrouve par exemple dans toute l'Europe. Au UK par exemple. Bon alors vous me direz, au UK c'est assez normal vu la piètre qualité de la construction là-bas. Après tout, les maisons sont anglaises. Mais pas qu'au UK, vous avez par exemple en Suède la plus grosse baisse d'Europe avec un immobilier qui a déjà perdu 15% en réel. Et ça ne concerne pas non plus que l'Europe. Vous avez des baisses un peu partout dans le monde. La situation est très délicate en Nouvelle-Zélande et en Australie. Au Canada, l'immobilier a déjà perdu 10% et aux États-Unis, c'est une véritable catastrophe avec notamment des SCPI maintenant qui refusent que l'on puisse retirer son argent. On est très proche aux États-Unis de ce qu'on avait pu connaître avec la crise des subprimes, en tout cas dans le secteur immobilier. Pour l'instant, le secteur bancaire ne semble pas trop touché. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes vendeur, par exemple, est-ce que vous allez suivre le conseil de Bonaparte et vendre le plus rapidement possible? Ou est-ce que vous préférez attendre encore quelques mois pour voir s'il y a réellement cette baisse que tout le monde semble vouloir venir? Si vous êtes acheteur, est-ce que vous êtes acheteur tout de suite? Ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux attendre encore quelques mois qu'on ait une baisse des prix de l'immobilier? Il y a une semaine, j'ai fait une vidéo pour vous dire que finalement, la hausse des taux qu'il y a risque complètement d'annuler la baisse des prix de l'immobilier. Donc c'est peut-être pas non plus une bonne idée d'attendre pour acheter. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du marché de l'immobilier. Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut vendre? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: ma lumière n'éclaire peut-être pas beaucoup, mais elle éclaire au moins ma route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.